الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد. On est juste en arrière, dernier cours qu'on a fait, la dernière page. Il y avait un hadith. Vous l'avez en gras normalement. Kalla wallahi la ta'murunna bil ma'ruf, vous l'avez? La fin, je vous avais dit, j'ai pas bien saisi qu'est-ce que ça veut dire. J'ai trouvé le sens. Wala ta'turunnahu ala al-haqqi atra. C'est-à-dire que vous allez les forcer. Dans le sens, kalla wallahi la ta'murunna bil ma'ruf. Certes, vous allez leur donner le bien. Wa tanhawunna 'anil munkar. Et vous allez certes interdire le mal. Wala ta'khudunna 'ala yadi as-safih. Et vous allez prendre le faible d'esprit, l'idiot par la main. Et vous n'allez pas laisser faire qu'est-ce que lui veut faire. Wala ta'turunnahu 'ala al-haqqi atra. Et vous allez certes les forcer à faire les bonnes choses. Yani le ma'ruf que vous leur ordonnez, vous allez les forcer à le mettre en application. Comment t'as traduit Safi? Safi, faible d'esprit, l'idiot. Il y a aussi, il y a pas débutant, car novice. Ça peut être aussi ça, mais ici c'est un peu plus Safi, c'est quelqu'un qui fait n'importe quoi. Tu vois? C'est يقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم. Ici c'est وصف ضم. C'est quelque chose de mauvais. Non. Ta'turunnahu al-haqqi atra, donc vous allez certes les forcer à faire le bien, al-haqq toujours, dans le sentier de la vérité, etc. Et le contraire pour le contraire. Wala taqsurunnahu al-haqqi qasra. Et quand ils veulent transgresser, dépasser leur limite, vous allez les forcer à se limiter à. Taqsurunnahu qasran, vous allez les limiter. Voilà, vous allez les empêcher de faire les choses qui sont nuisibles, mauvaises. On avait aussi deux pages avant, trois pages avant. Wusaya al-Nas, je ne sais pas si vous l'avez souligné ou là. Geta, Safhat Kam, peut-être les autres frères ils l'ont. 129, le dernier tiers. Page 129 en bas. Aw Wusaya al-Nas, donc il disait que Laysa kama yaqulu ahlu nifaq wa ahlu shar. Yani les hypocrites qui disent que. Ils disent qu'il ne faut pas ordonner le bien, interdire le mal, car tu t'occupes des affaires des gens. Ou tu te considères comme un garant. Tu dois t'occuper des affaires des autres. C'est ça le wusaya. Tu te considères comme étant un garant ou quelqu'un qui doit s'occuper des affaires des autres. Ils disent qu'il ne faut pas s'occuper d'ordonner le bien, interdire le mal. Chacun a chacun ses affaires. Je ne sais pas, ils disent, par rapport au mot nifaq, ils disent le savant nifaq à l'aqismay, c'est comme kufr. Comme kufr. Si tu regardes bien, l'ulama il décompose le kufr en deux, le shirk en deux, le nifaq en deux, le zulm en deux, le fisq en deux. Non. Fisq mukhrij min al-milla ou fisq ghir mukhrij min al-milla. Allah dit dans le Coran, innal munafiqina humul fasiqun. Et c'est ce qu'ils utilisent les takfiriyin pour dire que Allah atlaqa al-fusq wal fusuq dans le verset wa man lam yahkum bima anzala Allah fa ulaika humul fasiqun. Ils ont dit, les ulama, ils ont dit, هذا fisq ليس مخرج من الملة. Ils ont dit, Allah أطلق الفسق على من هو خارج من الملة. إن المنافقين هم الفاسقون. Tu vois? كذلك الظالمون. أطلق الظالمون. Ce mot-là, il a été utilisé pour les mushrikin. Fهمت? Donc, ils ont تلاعب بالألفاظ. L'ulama قسموا. Fisq qui sort de l'islam, fisq qui sort pas de l'islam. Kufr qui sort de l'islam, kufr qui sort pas de l'islam, etc. On avait, moi j'ai page, donc 7 pages avant celle-là. On a dit, début je crois qu'on avait, le cours qu'on avait commencé. C'était l'Iman bi'anna Abu Bakr wa Umar, rahimahumullah, wa rahmatullahi alayhima, fi hujrati Aisha ma'a Rasulillah, qaddufina hunalika ma'a. C'était une tête de chapitre, point 125. Moi j'ai point 125. C'est quelle page, dis-leur 134. 124. On avait dans le premier chapitre لأنه مرضى في بيت عائشة. مرضى par rapport au prophète صلى الله عليه وسلم. مرضى في بيت juste avant ناحية ثانية. Gitu ha? Tout début, cinquième ligne ou la sixième ligne, je sais pas. Mourrida, c'est-à-dire qu'il a été soigné, il a passé sa maladie. Je crois que je vous avais dit ça, mais je vous avais dit que je vérifierai, je vous confirmerai. C'est bon? Personne n'a la traduction en français, si? Oui. Andak, taïe. Donc on passe au point suivant, 127. قال المؤلف رحمه الله والتسليم على عباد الله أجمعين. والتسليم على عباد الله أجمعين, c'est-à-dire le fait de passer les salutations sur tous les serviteurs d'Allah, sans exception. الشرح explication. من حق المسلمين بعضهم على بعض إفشاء السلام فيما بينهم. Parmi les droits des musulmans les uns sur les autres, c'est le fait de se transmettre le salam, s'échanger le salam. قال الله جل وعلا وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها إن الله كان على كل شيء حسيبا. الله dit dans le Coran, sourate numéro 4, verset numéro 86. Si on a fait une session, on vous a fait une salutation, saluez d'une meilleure façon, d'une façon meilleure, ou bien rendez-la simplement. Wa qala ta'ala fa idha dakhaltum buyutan fasallimu ala anfusikum. Sourate 24, verset numéro 61. Quand vous entrez dans des maisons, adressez-vous mutuellement des salutations. Adressez-vous mutuellement des salutations. يعني يسلموا بعضهم على بعض, c'est-à-dire qu'ils se passent le salam les uns aux autres. لأن المؤمنين كالنفس الواحدة وكالجسد الواحد والسلام تحية المؤمنين يوم يلقون الله سبحانه وتعالى. Donc il dit, les mu'minin, les croyants, sont comme une seule âme, un seul corps. Et le salam est la salutation des croyants les uns envers les autres. Et c'est également la salutation le jour où ils rencontreront Allah. قال تعالى تحيتهم يوم يلقونهم سلام. Leur salutation le jour où ils rencontreront, savoir Allah, c'est le salam. Surat al-Ahzab, surat 33, verset 44. يُسَلِّمُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى. Allah va leur passer le salam. وَيَسْمَعُونَ كَلَامَهُ وَتَسْلِيمَهُ وَيَرُدُّونَ عَلِهِ السَّلَامِ. Ils vont entendre ses paroles, ils vont entendre sa salutation et ils vont lui répondre au salam. فَيَقُولُونَ, ils vont dire اللهم أنت السلام. On ne rend pas le salam à Allah, hein? Mais on dit اللهم أنت السلام, c'est toi السلام, ومنك السلام, et de toi vient السلام, yani la paix. وَكَذَلِكَ أَهْلُ الْجَنَّةِ تحيتهم فيها سلام فيما بينهم. Et les adeptes du paradis, c'est leur salutation sera le salam. فيحيي بعضهم بعضا بالسلام في الجنة. Les uns يحيي من التحية. Les uns salueront les autres à travers le salam. وكذلك هم في الدنيا يحيي بعضهم بعضا بالسلام. Et c'est ainsi qu'ils sont dans la vie mondaine. Les uns passent les salutations aux autres à travers le salam. Wa ifsha'u salam min asbab dukhul al-janna bi salam. Le fait de répandre l'ifsha, c'est vraiment propager, répandre le salam. Ça fait partie des causes qui engendrent le fait de rentrer au paradis bi salam, yani épargné, comme fi al-hadith, comme dans le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, fi al-musnad wa ghayrihi, anna man at'ama at-ta'am wa afsha as-salama wa salla bil-layl wan nas niyam dakhala al-jannata bi salam. Celui qui nourrit l'ayant droit, il fait aumône, wa afsha as-salam, et qui propage le salam, le répand, et qu'il prie la nuit alors que les gens dorment, rentrera au paradis en paix et épargné. Le hadith hada. رواه الامام احمد فيها رواه الامام احمد في المسند والترمذي في سننه والدارمي في سننه وابن ماجه في سننه والحاكم في المستدرك على الصحيحين والضياء المقدسي في المختاره وغيرهم عن عبد الله بن سلام قال لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينه جفل الناس اليه وقيل قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم رسول الله عليه السلام فجئت في الناس لانظر اليه فلما استثبت وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم عرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب وكان أول شيء تكلم به أن قال أيها الناس أفشوا السلام أفشوا السلامة وأطعموا الطعام وصلوا والناس نيام تدخلون الجنة بسلام. قال الترمذي رحمه الله حديث حسن صحيح وصحح الحاكم على شرط الشيخين ووافقه الذهبي رحمة الله على الجميع. يعني الحديث دي سو حديث لا يدي لقد كان مساجي صلى الله عليه وسلم يتعرف في مدينة les gens se sont rués vers lui et ils ont dit le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam est arrivé, le messager est arrivé, le messager est arrivé. Abdullah ibn Salam il dit je suis venu le voir. Abdullah ibn Salam au début c'était un juif fait le bidaya, hein? Et il a dit lorsque il s'est fait tout, yani j'ai bien rakaza ma wajhi nabi sallallahu alayhi wa sallam, il s'est bien concentré, il a bien regardé le prophète sallallahu alayhi wa sallam pendant quelques instants. Il a dit, j'ai vu que ce n'était pas le visage d'un menteur. Et la première chose que le messager a dit, sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, ô vous les gens, donc le hadith qu'on vient de voir, propagez le salam et nourrissez, et offrez à manger aux gens, notamment aux ayants droit, aux indigents et tout ça, et priez la nuit alors que les gens dorment, vous rentrerez au paradis, bisalam, vous rentrerez au paradis, épargné et en paix. فإفشاء السلام مطلوب بين المسلمين. Donc propager le salam entre les musulmans, s'échanger le salam les uns les autres, ceci est demandé entre les musulmans. ومعناه الدعاء للمسلمين بالسلامة. Et ceci est une invocation en faveur des musulmans بالسلامة, يعني qu'ils soient épargnés, qu'ils soient dépourvus. وقيل معناه أن اسم الله عليكم لأن من أسماء الله السلام. Et il a été également dit que comme salam c'est un des noms d'Allah, que le nom d'Allah soit sur vous. فَإِذَا قُلْتَ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ أَيْ إِسْمُ اللَّهِ عَلَيْكَ وَهُوَ السَّلَامُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى. يعني تبركاً, c'est une recherche de bénédiction également. يعني le sens de salam comme il a dit là c'est الدُّعَى لَهُمْ بِالسَّلَامَةِ, tu leur invoques qu'ils soient épargnés, ou également le fait que tu lui informes que أَنَا مُسْلِمْ مِثْلَكَ, je suis un musulman comme toi, tu ne verras de moi et je ne vais pas te causer du tort ou du mal. Ana akhuk, je suis ton frère, je ne vais pas te causer du tort, du mal. Comme l'a cité Cheikh Salah al-Sheikh fi ba'd Rasa'il al-Tawhid, je ne me rappelle plus laquelle. Wa qala wa huwa subhanahu wa huwa as-salam subhanahu wa ta'ala. Fa hadhihi kalimatun 'azimatun tunshar bayna al-muslimin. C'est un mot de grande valeur qui doit être propagé entre les musulmans. Qala sallallahu alayhi wa sallam la tadkhulu al-jannata hatta tu'minu. Il y a un soukoun sur le dal. Il y a un comme fatha galat. Hadith ma'rouf, il n'y a pas de. Il n'y a pas de shadda sur le kha. Galat. Le hadith, wa la tadkhulu al-jannata hatta tu'minu. La tadkhulu al-jannata hatta tu'minu. Vous ne rentrerez pas au paradis jusqu'à ce que vous soyez croyant. Wa la tu'minu hatta tahabbu. Vous ne serez pas croyant jusqu'à ce que vous aimiez les uns les autres. أفلا أدلكم على شيء أو أمر إذا فعلتموه تحاببتم. Voulez-vous que je vous indique quelque chose que si vous le mettez en œuvre, vous allez vous aimer les uns les autres. أفشوا السلام بينكم. Passez-vous le salam les uns vers les autres. فإفشاء السلام يورث المحبة بالقلوب. Répandre le salam engendre يورث من ال من الميراث, ça fait hériter, mais en français on peut pas dire ça. Ça engendre l'amour entre les gens dans le cœur. وأنت إذا لقيت إذا لقيك مسلم ولم يسلم عليك صار في نفسك عليه شيء. Quand tu rencontres un musulman qui te passe pas le salam, tu as une certaine rancœur, un certain mépris à son sujet. تقول لماذا لم يسلم علي. Tu te poses la question pourquoi il ne m'a pas passé le salam. فإذا سلم عليك زال ما في نفسك. S'il te passe le salam, ce mépris-là disparaît. وَاسْتَأْنَسْتَ بِهِ وَأَحْبَبْتَهُ. اسْتَأْنَسْتَ بِهِ مِنَ الْأَنِسِ الْأُنْسِ. C'est-à-dire que tu le prends comme compagnon, tu le rapproches, tu l'aimes, tu as certains sentiments envers lui. هَذَا مِصْدَاقُ قَوْلِهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. Ça, c'est ce qui vient véracifier la parole du messager. Yani, c'est conforme à la parole du messager. أَفَلَا أَدُلُّكُمْ عَلَى أَمْرٍ إِذَا فَعَلْتُمُوهُ تَحَابَبْتُمْ أَفْشُوا السَّلَامَ بَيْنَكُمْ. Voulez-vous que je vous indique quelque chose? Si vous le mettez en œuvre, vous allez vous aimer les uns les autres, passez-vous le salam les uns envers les autres. فَإِفْشَاءُ السَّلَامُ لَهُ أَثَرٌ عَظِيمٌ فِي نُفُوسِ الْمُسْلِمِينَ. Répandre le salam a un effet énorme sur les musulmans les uns vers les autres. Wala yakfi an taqul hayyak Allah. Ça suffit pas de dire hayyak Allah, qu'Allah te salue, comme ils disent dans les pays du Golfe et tout ça. Kayfa asbaht, kayfa amsayt. Comment ça va ce matin, comment ça va? Sabah al-khair, masa al-khair, sabah al-nour, etc. Tout ce qu'il y a dans les différents pays, chaque pays, là, sa salutation, ça, c'est pas suffisant. Hadihi al-alfaz tabi'a lis-salam. Ça, tu peux le dire, mais derrière le salam. Tu peux le dire derrière le salam. Idha qult as-salamu alaykum, fa innaka taqulu kayfa haluka, kayfa asbahta wa ma ashbah dhalik. Une fois que tu passes le salam, tu peux demander comment ça va, tu peux demander comment tu vas ce matin, etc. Tout ce que tu veux. Wa kadhalika la yakfi al-iman bil yad. Également, le fait de faire un geste, l'imam, un penchant avec la main, ça, c'est également pas suffisant. لِيَنَّ هَذِهِ تَحِيَّةُ الْيَهُودِ. Car ça, c'est la salutation des juifs. رَوَى النَّسَيْ رَحِمَهُ اللَّهِ فِي السُنَنِ الْكُبْرَى عَنْ جَابِرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ سَلَّمَ قَالْ لَا تُسَلِّمُوا تَسْلِيمَ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى فَإِنَّ تَسْلِيمَهُمْ بِالْأَكُفِّ وَالرُّؤُوسِ وَالْإِشَارَةِ قَالَ الْحَافِظُ رَحِمَهُ اللَّهِ فِي الْفَتْحِ أخرجه النسائي بسند جيد. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: ne passez pas les salutations comme le font les juifs et les chrétiens. Leur salutation se fait avec la paume de la main, avec la tête et avec les gestes. Et avec les gestes. Al-ishara, c'est le geste. Si vous avez vu dans la vidéo avec les scouts, Cheikh Al-Uthaymeen, un des scouts, il lui demande: salutation qu'ils font les scouts à l'armée là. Comme ça. Même Cheikh, il se moque de lui. Il dit: comme ça là? Comme ça? Il lui dit: ouais. Il lui dit: hadi tahiyyat. أظن النصارى ولي لي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه التحية تحية بالإشارة إلى دي si tu fais les salutations à quelqu'un qui est loin et que tu fais avec le geste, tu le dis en même temps que ta bouche, même si lui il t'entend pas, tu fais avec le geste et la bouche. Mais il dit le chassement, la salutation seulement avec le geste, ça c'est salutation de que le prophète صلى الله عليه وسلم a posé une restriction à son sujet. Vous avez le hadith en bas. رواه الإمام رواه الإمام النسائي رحمه الله إنما الإيماء باليد إذا كان المسلم عليه بعيدا المسلم عليه c'est celui qui reçoit le salam ou celui qui le lance أيوة مفعول نعم c'est celui qui le reçoit الإيماء باليد إذا كان المسلم عليه بعيدا si la personne à qui tu passes le salam elle est lointaine زي ما تكون في سيارة هو il est loin ou bien tu lui fais un geste à distance de loin tu le fais avec le geste également. فأنت تسلم عليه باللفظ وتومئ بيدك لتشعره أنك تسلم عليه. Voilà, Cheikh dit la même chose. Il dit, tu fais le salam avec ta bouche et tu fais également تومئ بيدك, c'est-à-dire que tu fais un geste avec ta main pour lui faire comprendre que tu es en train de passer le salam. من أجل أن يرد عليك السلام, afin que lui également te rende le salam. واضح. Ça c'est quelque chose farrat fihi kathir min al-muslimin khususan kibar as-sin, les personnes âgées prennent pas ça au sérieux, ils disent bil sabah al-khair masa al-khair kada hadi ma fiha shay, y a pas de mal, lakin a'ud al-insan nafsuhu ala as-salam ma'jur. Tu dis salam alaykum 10 hasanat wa rahmatullah 20 hasanat wa barakatuhu 30 hasanat. Toi tu laisses passer l'ujur, les grandes récompenses comme ça pour tastabdil alladhi huwa adna bil ladhi huwa khair. Tu prends quelque chose de moins bien par rapport à quelque chose qui est bien. Et par rapport à une personne qui passe pas salam, par exemple on le rencontre comme ça, elle ne passe pas. Est-ce que si on l'attend ou qu'est-ce qu'on fait? Min al-afdal tadhkiruhu li anna min as-sunnah. Par exemple le plus jeune il passe au salam à la plus âgée, etc. C'est pas interdit, hein, que ce soit l'autre qui le fasse. Mais si la personne ne le fait pas, à toi de. En cas de jumhur ahl al-ilm, ils disent que lancer le salam c'est sunnah, c'est pas obligatoire et tout ça. Bad ahl al-ilm yarana huwa wajib, c'est obligatoire avant le kalam, avant de parler de quoi que ce soit, de passer le salam. Hatta yurwa anna sahaba, quand il y avait juste un obstacle qui se sépare d'eux, ils repassaient le salam. Donc c'est une récompense qui est perdue d'une manière idiote, yani stupide. Allahu a'lam. Non. C'est pareil pour le fait quand on parle avec quelqu'un par ordinateur ou par message et tout. Nefs al-shay, nefs al-shay. Cheikh Abdelrazak al-Badr dans le fatwa qu'il a, il dit quand tu envoies risala, message par téléphone, l'akhr, par mail, par. N'importe quelle manière, tu commences par le salam ou tartim bis salam. Et tu termines par le salam. Dans une mukalama, dans un appel téléphonique, etc. Première chose, c'est ça. C'est c'est le salam, avant quoi que ce soit d'autre. Allahu a'lam. Je suis dans la réponse quand tu on avait demandé à Cheikh Faisal Al-Jassim, il nous a dit que Cheikh Al-Albani est taraji an tasihihi. Il est revenu sur l'authentification. On a regardé dans Sicile Al-Za'ifa. Moi j'ai regardé, j'ai pas trouvé. Le hadith il est dans. Il est dans Tariq al-Kabir de l'imam al-Bukhari. Kitab Hada, on l'a pas, ni pour voir. J'ai regardé dans Sautiyat également, Cheikh Al-Albani, j'ai vu que. Sur le riwaya, je n'ai rien trouvé de clair. Hein, mais il dit le verset est en concordance avec. Le verset. Il dit si quelqu'un lance le salam en entier, comment tu vas lui rendre tu rajoutes au marfiratou. A savoir que, il dit que lancer le salam en entier, pour quelqu'un qui lance le salam, il n'a pas le droit de dire marfiratou. Marfiratou, c'est dans rad. Tu vois. Le salam en entier maximum, c'est salam alaykoum wa rahmatullah wa barakatuh. Alors, il vous a dit comme quoi il aurait. Cheikh Faisal il nous a dit que Cheikh Al-Albani, il nous a dit le hadith daif. Il dit Cheikh Al-Albani, il a dit le hadith. Il est revenu dessus. Je sais que Cheikh Mouqbil, il a dit également le hadith. Il a cité sans tarajou. Il a dit que le hadith n'est pas authentique. Allah. Il a dit que je trouvais que ça. Et. Ulama al-Mamlaka, j'ai jamais vu Wahdi Yani Rod Salam bi Marfiratu. Ça demande à chercher yani, plus en profondeur. Marfiratu, tu le réponds que si tu l'as donné en entier aussi. Oui, que si tu le donnes en entier. Car tu peux rendre Ahsan Minha si tu rends, si te dis moins. Naam. Donc. هذا بالنسبة للسلام. Ensuite il dit المؤلف قال المؤلف رحمة الله عليه ومن ترك صلاة الجمعة والجماعة في المسجد من غير عذر فهو مبتدع والعذر كمرض لا طاقة له بالخروج إلى المسجد أو خوف من سلطان وظالم أو خوف من سلطان ظالم وما سوى ذلك فلا عذر لك. Et quiconque délaisse la prière en groupe et la prière du vendredi à la mosquée est un innovateur. Et l'excuse c'est la maladie qui ne lui permet pas de sortir vers la mosquée, ou la peur d'un gouverneur injuste, et en dehors de cela, il n'y a pas d'excuse. قال قوله ومن ترك صلاة الجمعة والجماعة في المسجد من غير عذر فهو مبتدع لأنه معتزل عن جماعة المسلمين. Quelqu'un qui a pris l'écart, s'est mis à l'écart du groupe des musulmans. واعتزال جماعة المسلمين والشذوذ بدعة. Donc il dit le fait de se mettre à l'écart des musulmans. Et le fait de se mettre seul, shudud, c'est mukhalafa, al mukhalafa lahum. Le fait d'être seul, mathalan shud, hein? Marginal. Marginal. Ok, marginal, mashallah. Marginal. Monsieur, c'est-à-dire quoi? Et comment tu traduis alors quand chaque fois qu'il dit à la fin de sa khutab, comment shadda, shadda finnar? Comment shadda, shadda finnar? Yani celui qui se met à l'écart, yad Allah ma al jama'a. Eh, comment shadda, shadda finnar? Celui qui ne reste pas avec le jama'a et qui se met à l'écart, il est voué à la perdition, il est voué à l'enfer. Tu vois? Il y a à la base, le musulman, il se mélange avec les autres, il reste avec le jama'a des musulmans. Il ne se met pas à l'écart. Sauf si ce n'est dans les cas qu'on a vu, comme dans le hadith de Hudayfa. Il dit à Allah, il dit à Allah, il dit à Allah, il dit à Allah, il dit à Allah, il dit à Allah, il dit à Allah, s'il n'y a pas de jama'a, il n'y a pas d'imam, tu te mets à l'écart, même si tu restes seul, etc. Mais la base, la racine, c'est que le musulman reste avec Jama'at al-Muslimin. Il reste avec le groupe des musulmans, ils sont une seule nation, un seul groupe, etc. Fahmt? Wa salat al-Jama'a wajibatun wa fardun 'ala al-Muslim. La prière en groupe est obligatoire. C'est une obligation sur le musulman. On a vu qu'il y a quatre paroles sur salat al-Jama'a. Asahuha, la parole la plus juste. Lati rajahaha kathir min al-ulama, al-mutaqaddimin al-mutaakhirin. Les prédécesseurs et les contemporains, que la prière en groupe est obligatoire. Obligatoire, bien sûr, avec les shurut, le boulour, le dhukuriya, tout ça, pour les hommes. Et plus, il y a encore l'obligation se confirme encore par rapport aux autres prières sur la prière du vendredi. Le musulman doit obligatoirement être présent à la prière du Jumu'a, du vendredi, la prière en groupe avec les musulmans. ولا يعتزل عن جماعة المسلمين في الصلاة في الجمعة والجماعة. Ils ne se mettent pas à l'écart dans la prière en groupe ni le vendredi ni la prière en groupe. Lianna salata fil jama'a la budda minha. La prière en groupe, il faut la mettre en œuvre. Lianna salata al jama'ati wajibatun wa fardun ala kulli muslim. C'est une obligation pour tout musulman. Wa ya'thamu man tarakaha. Et pécheur celui qui la délaisse. Bal yu'addabu aydan. Il faut même le corriger. Dans le sens que celui qui délaisse la prière en groupe, il n'y a pas une sentence par shari'a, had min al-hudud, mais yu'azzar wa yu'addab. Yani il va être ils vont le corriger, ils vont pas le laisser agir de la sorte, mais ils vont lui serrer yani les comment qu'on dit هنا. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال من سمع النداء فلم يجب فلم يجب إيه غلط لم يجب إيه فلم يجب ça va aussi علاش c'est lui qui répond pas bah déjà pas parce que ici ouais tu peux dire les deux. Je vais te dire là, tu peux aussi dire Yudib. Parce que ici, quand il y a Yudib, il y a le sujet. Mustatir. Yudib, c'est pas min al-wujub. Hnaya Yudib min al-ijaba. Ana adhan ghalat, je vais vérifier, inshallah, mais ce serait plutôt Yudib. Mais t'es un souligné, je vous confirmerai, inshallah. Khalat salat alahu illa min udhur. Al-ma'na, le sens il est clair, mais c'est juste par rapport à comment ça se prononce. Celui qui entend Nida, Nida c'est l'adhan. Celui qui entend l'appel à la prière et qui ne répond pas, il n'a pas de prière si ce n'est qu'il soit excusé. Qila wa mal udru, qala khawfun aw marad. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été interrogé, c'est quoi l'excuse valable? Il a dit la peur ou la maladie. Wa lamma jaa rajulun a'ma ila an-nabi sallallahu alayhi wa sallam yadhkuru lahu ma baynahu wa bayna al-masjid min al-mashaqqa wa laysa lahu qa'idun yula'imuhu. Donc, lorsqu'un homme aveugle est venu chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam, vous vous rappelez la différence entre l'a'ma et l'akma? On va citer ça il y a un petit moment. A'ma, et Isa alayhi salam, il dit wa ubri'u l'akmaha wa l'abrasa bi'idhnillah. Je guéris l'akma. L'akma, il le traduit par aveugle. Et l'a'ma, il le traduit par aveugle. Mais il y a une différence entre les deux. Aveugle-né. Naam? Aveugle-né. C'est lequel l'aveugle-né? Akma. Et l'autre? من طرا عليه العمي العمي جاء من بعد يعني الأكمة celui qui est né aveugle et l'a'ma c'est celui qui a perdu la vue pendant sa vie. فائدة لغوية profil linguistique. Donc un homme aveugle. Ensuite dans les versets comme ليس على الأعمى حرج là les deux ils rentrent dedans. Le sens linguistique هذا هو. Après le sens شرعي ça se peut que le un mot il englobe les deux من ناحية شرعية. Mais il y a une différence linguistique, c'est celle-là. Donc, un homme aveugle est venu le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui évoquant ce qu'il y avait entre lui et la mosquée comme difficulté. Il est difficile de parvenir à d'arriver à la mosquée. Il n'a pas de guide. Qa'id, c'est un guide, un dirigeant. Quelqu'un qu'il yula'imuhu, c'est-à-dire qu'il le ramène à la mosquée. وطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يرخص له أن يصلي في بيته. Il a demandé l'autorisation du prophète صلى الله عليه وسلم de pouvoir prier chez lui à la maison. قال له صلى الله عليه وسلم هل تسمع النداء؟ Il lui a dit le prophète صلى الله عليه وسلم est-ce que tu entends l'adhan? Est-ce que tu entends l'appel? قال نعم. Il a dit oui. قال فأجب. Il a dit donc réponds à l'appel. الذي يسمع النداء لا يسعه أن يتخلف. Celui qui entend l'adhan, il n'a pas d'autre choix, il n'a pas l'option de s'attarder, de ne pas venir. ولهذا قال من سمع النداء فلم. Donc on a toujours avant يجب أو يجب فلا صلاة له إلا من عذر. Il n'a pas de prière si ce n'est par excuse. S'il a une excuse. صلاته غير صحيحة. Sa prière n'est pas valide. هذا قول شيخ الإسلام وابن حزم. La plupart des savants aujourd'hui ils prennent pas cette parole. Ils ont pris là parce qu'on a dit il y a quatre paroles. La première parole c'est shart siha. Celui qui prie par la mosquée, sa prière elle est nulle même à la maison. Et la deuxième parole c'est le wujub. Celui qui prie pas à la mosquée, il est pécheur, mais sa prière à la maison, elle est valide. Ici, Cheikh dit salatuhu ghayru sahiha. Sa prière n'est pas valide. فَالنَّفْيُ قِيلَ إِنَّهُ نَفْيٌ لِلصِّحَّةِ Yani, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit, il n'a pas de prière, si ce n'est par excuse. Ici, il dit ici, la négation, il n'a pas de prière. Ça peut être sous-entendu. Il n'a pas de prière valide. C'est-à-dire, même s'il prie ailleurs, sa prière n'est pas valide. وَقِيلَ لَا صَلَاتَ لَهُ يَعْنِي لَيْسَ لَهُ صَلَاتٌ كَامِلَةٌ Et, يَنَّفْيُ لِلْكَمَالِ C'est-à-dire, est-ce que il n'a pas de prière, il n'a pas de prière complète. Sa prière, sah, il a prié. Sa prière, si elle est conforme, elle est valide. Mais elle est incomplète. فَنَّفْيُ لِلْكَمَالِ ولكن ظاهر الحديث انه لا تصح لا تصح صلاته الا اذا كان له عذر l'apparence du hadith c'est que sa prière n'est pas valide sauf s'il est il a une excuse فهذا دليل على وجوب صلاه الجماعه في المسجد حيث ينادى لها ceci montre l'obligation de la prière en groupe à la mosquée quand on appelle à ce que celle-ci soit célébrée je cherche ici parle avec la prière elle n'est pas valide on dirait oui Ara ou une fiqhiyya dans ce sujet, je ne sais pas. Mais comme on a dit à la base, quand il y a un texte comme ça, surtout quand tu exhortes quelqu'un, tu ne lui dis pas il y a un khilaf, il a dit sunnah. Tu lui fais peur. Tu lui dis le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit celui qui, quand il y a l'adhan, tu ne réponds pas, tu n'as pas de prière sauf si tu n'as pas d'excuse. Parce qu'il y a beaucoup de textes qui sont très menaçants quand tu les vois comme ça. Celui qui fait ça, il est considéré comme les kuffars. Celui qui est kada. La personne, elle va penser qu'elle. Tu vois? Et ça, ça va l'empêcher de... Comme on l'avait dans le sunnah, Cheikh Rabi'a. Il cite ça. Il dit, tu lui cites le texte ou... Eh, tu me laisses. Hein. Et il dit, si le mubtadi'a, ils viennent, ils expliquent ça justement de manière... Là, tu es dans une situation, tu es obligé de clarifier. Ma'an al-hadith. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Plus les proches... Plus tu pries tard. Plus tu l'as pris au début du temps, sauf s'il y a une sunna. Mathalan Isha, pour les femmes, c'est mieux qu'elle la retarde. Dans ce cas-là, plus elle la retarde, elle se rapproche de la sunna, mieux la récompense elle sera. Mais sinon, à la base, dès qu'il y a l'adhan, celui qui s'empresse de faire le bien, c'est celui qui est le meilleur. Tu vois? S'empresser de faire les bons actes. ولهذا يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن celui qui veut rencontrer Allah en état de سره يعني من السرور joyeux rencontrer Allah joyeux le demain يعني يوم القيامة et musulman qu'il soit régulier à propos de ces prières là lorsqu'on appelle à ce qu'elles soient célébrées فإن الله شرع لنبيكم سنن الهدى الله légiféré pour votre prophète les sunan donc les actes de la guider sunan c'est pas sous-entendu les choses recommandées mais tout ce qu'il a légiféré ce sont des choses bonnes des choses de guider وإنهن من سنن الهدى et les prières font partie de cela ولو أنكم صليتم في بيوتكم et si vous priez dans vos demeures كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم Et si vous priez dans vos demeures, comme prie celui qui s'attarde à la prière en groupe, il ne vient pas et prie chez lui à la maison, vous allez délaisser la sunna de votre messager, de votre prophète. وَلَوْ تَرَكْتُمْ سُنَّةَ نَبِيِّكُمْ لَضَلَلْتُمْ Si vous délaissez la sunna de votre prophète, vous allez vous égarer. وَلَقَدْ رَأَيْتُنَا وَمَا يَتَخَلَّفُ عَنْهَا إِلَّا مُنَافِقٌ مَعْلُومُ النِّفَاقِ Et certes, nous avons observé, nous avons vu, et ne s'attarde à cette prière, cette prière en groupe, qu'un hypocrite qui est connu pour son hypocrisie. وَلَقَدْ كَانَ الرَّجُلُ يُؤْتَى بِهَا بِهِ يُهَادَى بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ حَتَّى يُقَامَ فِي الصَّفِ Et on faisait venir l'homme pour la prière en groupe. Il se dandinait. يُهَادَى C'est il se dandinait entre deux hommes. Il y en a un qui le prend par la droite, par le bras droit, un par la gauche. Et il le ramenait jusqu'à le poser dans le rang pour qu'il fasse la prière en groupe. هَكَدَى كان صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم مع صلاة الجماعة. Voilà comment étaient les compagnons du messager avec la prière en groupe. حتى المريض الذي لا يستطيع المشي. Même le malade qui ne peut pas marcher. يأتون به يهادونه بين رجلين حتى يقام في الصف. يعني le dandine entre deux hommes jusqu'à le mettre dans le rang. لعلمهم أن صلاة الجماعة واجبة. Car ils savaient bien que la prière en groupe était obligatoire. Elle est obligatoire. والنبي صلى الله عليه وسلم وصف المتخلفين عن صلاة الجماعة بالنفاق. Le prophète صلى الله عليه وسلم a caractérisé ceux qui s'attardent à la prière en groupe par l'hypocrisie. قال عليه السلام أثقل الصلوات على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر. Les prières les plus lourdes sur les hypocrites sont les prières de l'Isha et la prière de l'Fajr. Les prières de l'Isha et de l'Fajr. وشهد الله بالإيمان لمن يعمر المساجد بالصلاة. قال تعالى إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآت الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. سورة نف verset 18. Ne peupleront les mosquées d'Allah que ceux qui croient en Allah et au jour dernier, accomplissent la salat, acquittent la zakat et ne craignent qu'Allah. Il se peut que cela soit du nombre des bien guidés. Surat 9, verset 18. Fadlan, ou fasalatul jama'a amruha azim, fala yatasahalu biha. Donc la prière en groupe, c'est quelque chose de grandiose. Il ne faut pas prendre à la légère. Ou yultafatu ila man yuthabbitu anha. Ou bien accorder de l'importance. Yultafat, à la base, c'est se tourner. Ici, c'est dans le sens de accorder de l'importance de quelqu'un. Yuthabbitu anha, c'est le contraire de yuthabbitu. Tathbit, c'est raffermir, et yuthabbit, c'est il te montre que c'est quelque chose de léger. Yuthabbitu anha, il te dit salat al-jama'a ma fiha shay, c'est pas quelque chose de très très important. Salli fi baytik wa khalas. Hada huwa ma'na at-tathbit. Limadha idan bunyat al-masajid? Dans ce cas-là, pourquoi les mosquées elles ont été construites? لو كانت صلاة الجماعة ليست واجبة لماذا تقام المساجد وينفق عليها وتبنى بنفقات ويرتب لها الأئمة والمؤذنون لماذا؟ Si la prière en bon groupe n'est pas obligatoire, pourquoi est-ce que les mosquées sont construites et on dépense pour établir ces mosquées et on désigne des imams qui vont les diriger, des gens qui vont faire l'adhan à chaque prière? Pourquoi? هل من أجل أنها سنة؟ Tout ça pour quelque chose qui est recommandé. لا. هذا يدل على أن صلاة الجماعة واجبة. أن صلاة الجماعة واجبة. Ça, ça montre que la prière en groupe est obligatoire. لم تبنى المساجد من أجل سنة فقط. Les mosquées n'ont pas été construites pour quelque chose qui est simplement recommandé. إنما بنيت لأجل واجب. Elles ont été construites pour une obligation. فيجب التنبه لهذا. Faut prendre attention. Il faut être attentif à cela. Wala yultafatu ila hadayan haula. Il ne faut pas faire attention. Hadayan, c'est quelqu'un qui perd la raison, qui dit n'importe quoi. Hadayan, c'est la chose en elle-même. Ila hadayan haula alladhina yakhuduna al-aqwal al-mukhalifa lid-dalil. Donc, il ne faut pas faire attention aux sottises qui sont dites par ceux qui disent quelque chose qui est contraire à la preuve. Wa yajma'unaha wa yaqulun. Réunissant les paroles de certains ulama en disant hadhihi aqwalul ulama, voilà les paroles des savants. Naqul aqwalul ulama tukhti'u wa tusib, on dit les paroles des savants parfois elles sont justes, parfois elles sont fausses. Al wajib ittiba'u ad-dalil la ittiba'u aqwalin nas, l'obligation qui nous incombe c'est suivre la preuve où elle est et non pas la parole d'autrui. Ah. Dans le hadith, même sa mère dit à la fin, il aime une odre, pauvre ou malade. Et là, dans la fin, la page 137, par rapport aux compagnons qui ont transporté pour aller prier malgré qu'ils étaient malades, qui étudient qu'il en venait. Et ça montre le hirs. Ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas excusés. Comme le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, quand il était malade, une fois, ithnain min as-sahaba, ils l'ont dandiné, ils l'ont mis fait le saf. Quand Abu Bakr radiallahu anhu s'est retiré, Abad Ashara ilayhi de rester, on salla Bjembo. Il a prié à côté de lui, à la fin de sa vie. Ça montre la grande importance qu'ils accordaient à la prière en groupe. Hatta quelqu'un, mumkin, il est excusé et tout ça, mais malgré ça, il veut prier ma al-jama'a. C'est spécifique à la salat, de quoi? De ne pas prendre par la permission. Ici, Cheikh, il insiste, et moi j'ai entendu ce texte-là aussi, les ulama, ils l'utilisent pour dire que les sahaba, ils avaient une grande importance, ils accordaient une grande importance à la prière en groupe et à la récompense qu'il y a derrière, à tel point qu'ils faisaient ça, tu vois. Donc si eux, ils agissaient comme ça, en état de faiblesse et tout ça, comment les gens, ils peuvent s'attarder sur la prière en groupe alors que tout va bien pour eux, et ils voulaient que la prière en groupe, il se fait hacher au cadavre. Allahu alam. Cheikh Najmi, عنده تعليق على كلام Imam Al-Barbahari. Il dit sur le fait qu'ils disent que celui qui délaisse. قوله من ترك صلاة الجمعة قال صلى الله عليه وسلم من ترك ثلاث جمع تهاونا طبع الله على قلبه البروفيت صلى الله عليه وسلم a dit celui qui délaisse trois jumu'a تهاونا par négligence il prie pas le jumu'a Allah scellera son cœur وقال صلى الله عليه وسلم لا ينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات أو ليختمن الله على قلوبهم ثم لا يكونن من الغافلين que s'abstiennent des gens qui délaissent le wada' c'est at-tark le wada' wada' c'est quand tu délaisses quelqu'un tu lui fais tes adieux que s'abstiennent des gens qui délaissent les prières de jumu'a ou alors Allah va sceller leur cœur et ils seront certes parmi les insouciants قوله والعذر كمرض l'excuse telle que la maladie comme في آخر الحديث وقال قال خوف أو مرض c'est quoi les excuses c'est la peur ou la maladie المرض الذي يعوق الإنسان من الذهاب إلى المسجد أو يخشى لزيادة المرض عليه المرضي كي handicap المعوق c'est l'handicapé يعوق الإنسان c'est un handicap qui empêche d'aller à la mosquée Ou bien il craint que la maladie s'intensifie. Il est malade et s'il va à la mosquée, la maladie va s'intensifier. Ou bien il ta'arrud li mu'athir yazidu fi maradihi. Ou bien il va s'exposer à quelque chose qui va intensifier sa maladie. Comme le vent, comme le froid, comme mish'arfana, par rapport au microbe, par rapport à kada. Ou khawf min adou. Ou bien s'il a peur d'un ennemi. Ou khawf min sab'u. Il a peur des animaux sauvages. Khawf muhaqqaq wa laysa jubnan. Le cheikh dit c'est une peur réelle, c'est pas quelqu'un qui est peureux. Quelqu'un est peureux, il dit que khawf min kada khawf min kada alors qu'il n'y a rien. Il dit c'est une peur réelle. Wa innama huwa khawf muhaqqaq fi at-tariq ya'taridhuhu adu ou ya'taridhuhu sab' yaftiku bihi. C'est-à-dire que il peut s'exposer à lui un ennemi. Ou bien sab'u, donc c'est des animaux sauvages. Yaftiku bihi, c'est-à-dire yudammiruhu, qui va justement yaqdi alayh, qui va le mettre fin à ses jours, ou qui va le tuer, ou qui va le blesser gravement, etc. Fahadha lahu udrun an yusalliya fi baytih. Celui-là, il est excusé. Il est excusé, il peut prier chez lui. Amma al-aminu wal-mu'afa falaysa lahu udr. Par contre, quelqu'un qui est en plein état de sécurité, tout ça, il n'y a rien. Il n'y a pas de sabu'a fil barra, il n'y a pas de adou, pas d'ennemi, tout va bien. Donc il doit. Naam. Mu'afa. Quelqu'un qui est épargné. Mu'afa, il est en. Fil afia, naam. Il est en pleine forme, il n'est pas malade, il n'est pas cadin. Saint, comme ça. Quel saint? Quel saint, hakak. Il est déchu de maladie, déchu d'handicap, il est là-bas salé. Naam. Négligence, quelqu'un qui se laisse aller, qui n'a pas ces excuses-là. Voilà, mais maintenant, quelqu'un qui a une autre excuse qui ne rentre pas dans celle-là. Comme oui, le travail, les ulama, ils ont parlé dessus. Surtout dans Bilad Kofr et tout ça, tu ne peux pas prier en groupe. Mais maintenant, il y a une fatwa qui a été posée à Cheikh Ben Baz. Ils ont dit à des gens, très bien, ils travaillent dans un dawam, dans un. Justement. Une permanence à cas, dans un bureau chez eux là-bas, au Saoudia. La mosquée, elle n'est pas loin. Mais eux, ils préfèrent prier dans. Ils ont une salle de prière dans le truc. Ils ont demandé à Cheikh Ben Baz, il leur a dit l'afdal qu'ils aillent à la mosquée. Tu vois, qu'ils aillent prier à la mosquée, pas dans le lieu de prière seulement de la. Tu vois, après, il y a des ahwal. Mais à la base, quelqu'un qui n'a pas d'excuse yani, apparente, quelqu'un qui est en bonne santé, qui est chez lui, etc., et il laisse la prière en groupe par des négligences. Il n'est pas malade, il n'est pas. Yani, les chemins, ils sont. Il vit en sécurité tout ça, il se laisse aller, Hada il est pêcheur. Et tu peux avoir peur de ta maladie elle atteigne les gens, par exemple, ça peut être une cause que tu dois pas te mélanger avec des gens, etc. J'ai pas compris. Le fait que certaines personnes ils vont pas au vendredi soi-disant parce qu'il y a le travail, ça peut être une certaine. Non, pas le Jumu'a. On parle de prière en groupe. Après, Cheikh, il a parlé de la prière du Jumu'a et il a insisté dessus. Il dit que l'obligation du Jumu'a, elle se précise encore plus que les prières les cinq prières quotidiennes. Pour le Jumu'a, il y a le fatwa des ulama sur certaines choses. Mathalan sur, des trucs, des usines pétrolières, des choses qui peut y avoir des graves répercussions sur tout le monde. Ils ont autorisé à des gens de ne pas faire le Jumu'a pour des raisons comme ça. Il faut toujours qu'il y ait quelqu'un qui est en surveillance. 24 sur 24, 7 jours sur 7. Des trucs comme ça. Mais ce n'est pas ni à l'absolu. Toute personne, Salat Jumu'a, il ne l'a pris pas. Il est, à la base, c'est que quand il est chorot d'obligation, comme l'islam, c'est un musulman, c'est un homme, il est pubère, il est doté de raison, moustawten, il n'est pas en voyage. Tu vois, c'est des conditions qui engendrent, il est hur, la personne elle est libre, c'est pas un esclave, il doit faire la prière de Jumu'a obligatoirement. Après, quand il y a des cas bien précis, ça demande une question. Mais c'est ça la base. Ya'uq, c'est un handicap pour lui. Sa maladie ou ce qu'il y a dehors, etc. C'est un handicap qui l'empêche de faire la... قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ الْمُعَوِّقِينَ مِنْكُمْ dans surat al-Ahzab. Les mu'awwiqin, c'est les handicapés. Cheikh Ahmed Ibn Yahya al-Najmi, rahimahullah, il dit à propos de la parole de l'auteur, celui qui délaisse la prière du Jumu'a et le Jama'a en groupe dans la mosquée, sans excuse est un innovateur. Il dit إطلاق اسم مبتدع على تارك الصلاة في المسجد قد لا يكون مأخوذا على عمومه. Il dit, ça se peut que cette parole-là, il ne faut pas la prendre dans sa généralité. فَإِنَّ مَنْ تَرَكَ الْجُمُعَ وَالْجَمَعَ تَحَرُّجًا مِنَ الصَّلَاةِ وَرَأَ بَعْضِ الْوُلَاتِ لِيَنَّهُ يَرَى أَنَّهُ كَافِرٌ أَوْ فَاسِقٌ لَا يَجُوزُ الْإِقْتِدَاءُ بِهِ فَهُوَ مُبْتَدِعٌ. Celui qui dit, on ne prie pas derrière, à l'époque c'était les hukam, les gouvernants qui faisaient la prière du Jumu'a, la prière de l'Aïd et tout ça. Il dit, celui qui dit, on ne prie pas derrière eux, car ils ont des débauches, ou bien parce qu'il le rend mécréant de lui-même, etc. Ça, c'est un innovateur, certes. لكن إن تركها بغير هذا القصد فهو فاسق. Mais s'il la délaisse la prière en groupe ou la prière du vendredi pour une autre raison, c'est un débauché, un فاسق. وقد يكون منافقا, il se peut qu'il soit hypocrite. إذن فلا يكون مبتدعا إلا من ترك صلاة الجمعة والجماعة بناء على اعتقاد عنده أن ذلك الإمام لا ينبغي أن يصلي بعده يعني وراءه. Donc s'il a une conviction qui est fausse, comme le fait qu'on ne peut pas prier derrière cette personne-là alors qu'il a tort, dans ce cas-là, c'est un innovateur. Mais dans les autres cas, comme la négligence, ce n'est pas un innovateur. C'est un débauché. Et celui qui la délaisse car il ne croit pas à son caractère légitime, celui-là, c'est un munafiq, c'est un hypocrite. Pour empêcher, tu ne peux pas dire que c'est un innovateur. Pour empêcher. Comme le délaissement là, sauf si c'est par rapprochement d'Allah. Celui qui le délaisse par conviction, c'est pour se rapprocher d'Allah. Yani. Non, comme certains ulama, ils ont cité qu'il y en a qui prient derrière la. Derrière Aïma, mais il y a un infirad. Il y a des choses qui sont mais il y a des choses qui sont. Peut-être qu'il y a en même temps que l'imam, mais il y a des choses qui sont les wahdou. Il suit l'imam, mais il y a des choses qui sont les. Il n'a pas de niyad ou le jama'a. Et donc, il y a des bid'a. Mais la parole là de l'imam Barbahri, yani sur l'apparence, c'est pas juste. Et sur l'apparence, elle est trop. Il a trop atlaqaha. Il a pas détaillé. طيب. Ensuite, il dit قال المؤلف رحمة الله عليه ومن صلى خلف إمام فلم يقتدي به فلا صلاة له والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر باليد واللسان والقلب بلا سيف. Et celui qui prie derrière un imam et ne se conforme pas à lui, alors il n'y a pas de prière pour lui. Et ordonner le bien et interdire le mal se fait avec la main, la langue et le cœur, sans effet. الشرح قوله ومن صلى خلف إمام فلم يقتدي به فلا صلاة له لأن هذا مخالف لقول الرسول صلى الله عليه وسلم. Ceci est contraire à la parole du messager. إنما جعل الإمام ليؤتم به. L'imam a été pris comme pour qu'il soit pris comme guide. والآن أهل الضلال والتكفيريون لا يصلون مع المسلمين. Il dit aujourd'hui ceux qui s'attribuent ceux qui sont tekfiri ou les gens. Beaucoup de gens de l'innovation ne prient pas avec les musulmans. Wa in sallaw fa hum nawin al-infirat. Voilà. Il dit une kasra en dessous du fa, c'est pas une fatha. Infirad. S'ils prient derrière l'imam, ils ont l'intention de prier seul. Ils font les gestes seuls, le takbir seul, etc. هذه من البدع المحدثة. Ça fait partie des innovations. فأنت تصلي مع المسلمين وتحسن الظن بالمسلمين. Toi, tu pries avec les musulmans et tu as une bonne pensée envers les musulmans. فلا تسيء الظن بأئمة المساجد. Ne pense pas du mal des imams des mosquées. قوله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والنهي عن المنكر باليد واللسان والقلب بلا سيف. سبق بيان عكس سبق بيان وجوبي سبق بيان وجوبي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. On a parlé déjà auparavant. سبق بيان وجوبي الأمر بالمعروف. Juste avant, fallait aussi i. C'était où aussi où. Dans la phrase avant le nom. فلا لا هنا لا إن لا النهي. Donc من الجوازم. Il fait partie des. فلا تسيء الظن. Un soukoun normalement sur le hamza. فلا تسيء تسيء. Mais ici, non, c'est normal parce que التقاء السكينين. فلا تسيء الظن. C'est juste. Ah oui, c'est juste. C'est une règle grammaticale. وفيك. فسبق بيان وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. On a parlé auparavant que il est obligatoire d'ordonner le bien, d'interdire le mal. وأنه على حسب الاستطاعة. Et tout ça, c'est selon la capacité. لكن قوله بلا سيف. Le fait que l'auteur ait dit sans épée. يعني لا يجوز حمل السيف على السلطان. Il est interdit de prendre l'épée, يعني de se rebeller sur les autorités. ويقال هذا من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. En disant, c'est pour ordonner le bien, interdire le mal. Monsieur, juste par rapport à ça, il y a certains groupes politiques comme ça, ils vont pas prendre une épée, oui, mais ils vont aller dans la rue comme ça. Est-ce qu'on va dire comment ils ont utilisé safe? Toi, safe. تذكر la fin de أصول السنة une question à peu près similaire qui était posée à Cheikh Rabi' أظن في المسألة هذه. لكن ce qui me vient en tête c'est que les ulama ils ont dit باللسان tu peux devenir من الخوارج. يعني ماشي شرط أنك تشارك معهم في القتل et tout ça. Et comme on a déjà parlé plusieurs fois, القاعدية الخوارج القاعدية من أسوأ الخوارج من أسوأ أنواع الخوارج. قاعدية ils font rien. Ils font gardien et ils harcèlent les gens. Ils incitent les gens. Khawarij qa'adiyya, min al-qu'ud, jalsin. Ils s'assoient, juste ils répondent, yani akhta' al-wulat, tel hakim il a fait ça, le hakim il a fait ça, comment ça se fait que vous ne les rendez pas mes clients ou kada. Ils harcèlent les gens, fi khutbat al-jumu'a. Tu vois ? Ils incitent, lakin huwa il fait rien. La yakhruj bi sayf wala bi ghayrih. Ghayr bil lisan. Wa hada min aswa wa akhbath al-khawarij. Parce que là, ce qu'il dit le cheikh là, c'est exactement en fait ce qu'ils font l'adl ihsan au Maroc, c'est ça. Ils font des manifestations. C'est une question de Mu'tazila. Mu'tazila, il ordonne le bien, interdire le mal. Donc il te laisse comme ça, toi tu penses du bien. Tu dis, ordonne le bien, interdire le mal. C'est prouvé dans la sharia. Kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas. Ta'amuruna bil ma'ruf, tanhauna 'anil munkar. Wal mu'minuna wal mu'minat ya'muruna bil ma'ruf, tanhauna 'anil munkar. Etc. Ça, huma, ils ont un autre sens. Le cheikh va l'expliquer après. Amr bil ma'ruf, nahy 'anil munkar, c'est se rebeller contre les autorités. Le cheikh il dit, hada huwa al munkar bi nafsihi. Yani, la rébellion contre le hakim, c'est ça le munkar. Donc il faut plutôt qu'on vous ordonne à vous le bien et interdise le mal plutôt que vous. C'est parmi les sortes de khuruj. Parmi les sortes, n'am. هذا المذهب أو هذا مذهب الخوارج والمعتزلة يخرجون على السلطان. Ça c'est la voie des khawarij et des mu'tazila qui ont beaucoup de concordance entre eux et se rebellent sur les gouvernants. ويقولون إن السلطان فاسق. Ils disent l'autorité ce sont des débauchés. وهذا من إنكار المنكر. Il faut réprouver le mal. وهذا هو المنكر نفسه. Et c'est ça le mal en lui-même. لأن الخروج على ولي الأمر هو المنكر نفسه. Se rebeller contre le gouvernant, c'est ça l'acte blâmable. لأن الخروج على ولي الأمر هو المنكر نفسه. لأنه معصية للرسول. Car c'est une désobéissance au messager. ولما يترتب عليه من الضرر العظيم من سفك الدماء واختلال الأمن وتفرق الكلمة مفاسد عظيمة. Donc il dit car il y a là dedans d'énormes méfaits. Faire couler le sang, il y aura plus de sécurité, les gens ne vont plus se sentir en sécurité, la parole va se diviser, chacun va tirer vers ce qu'il pense être bon. D'énormes méfaits. Ashaddu min as-sabr 'ala ma'siyatihi wa mukhalafatihi. Il est préférable de patienter sur sa désobéissance et sa débauche. Lianna ma'siyatahu wa mukhalafatahu dararuhu 'alayhi faqat. Car les choses qu'il fait qui sont pas bonnes, qui sont pas bien, ça revient seulement sur lui. Le méfait, il est seulement sur lui. La conséquence, elle est seulement sur lui. Amma al-khuruj 'alayhi bis-sayf fa hadha dararuhu 'al muslimin. Mais quand il y a coup d'état ou quand il y a rébellion, ça concerne tout le monde. Wa hadha madhhab al-mu'tazila wal khawarij. Et ça, c'est l'idéologie des mu'tazila et des khawarij. Fa inna usul al-mu'tazila. Les fondements de mu'tazila sont au nombre de 5. Awwalan al-amr bil ma'ruf wa an-nahy 'an al-munkar wa yuriduna bidhalika al-khuruj 'ala wulati al-umur. Yaquluna hadha min al-amr bil ma'ruf wa an-nahy 'an al-munkar. Premier, ordonner le bien, interdire le mal. Mais eux, qu'est-ce qu'ils veulent dire par ça? C'est se rebeller contre les autorités, contre le gouvernement musulman et Sabitana, c'est-à-dire ceux qui sont autour de lui. Et ils disent, c'est ça, ordonner le bien, interdire le mal. Thaniyan al-tawhid. Deuxièmement, al-tawhid, l'unicité. C'est quoi chez eux l'unicité? Ma'na nafiul asma et wassifat. Rejeter les noms et les attributs d'Allah. Lianna ithbat al-asma et wassifat shirkun indahum. Car attribuer les noms et les attributs d'Allah chez eux, c'est du shirk. Thalithan, troisièmement, al-adl. Wa ma'na nafiul qadr. La justice. Et chez eux, c'est quoi? C'est de rejeter le destin. Yaqulun law 'adzabahum Allah wallahu qaddara 'alayhim al-ma'siyah yakunu dhulman lahum. Ils disent, si Allah les a châtiés alors que c'est lui qui leur a prédestiné le péché, donc il est injuste envers eux. C'est-à-dire qu'ils disent qu'il n'y a pas de qadr, il n'y a pas de destin. C'est pas Allah qui a prédestiné ces choses-là. Faut bien comprendre ce qu'ils veulent dire. Là, ils réunissent les deux croyants de Qadariyah. Jabriyah et... C'est-à-dire? Ils ont fui un pour se réfugier dans l'autre. Il y en a dans le sens qu'ils ont dit que si jamais on dit que Allah il a prédestiné les actes des créatures, d'accord. Et après, par la suite, il va les châtier. Il nous a informé qu'il y a des gens qui vont au paradis, des gens qui vont en enfer. C'est lui qui a prédestiné l'acte et c'est lui qui les châtie. Donc il a été injuste envers eux. Pourquoi il leur a prédestiné les mauvais actes et après il va les châtier? Femme? C'est-à-dire qu'à la base, ils avaient la conviction des Jabriyah. Et pour s'en défaire, ils ont... Je sais que les Mu'tazila disent que la dakhla lillah fi a'mal al-ibad. Allah, c'est pas lui qui leur a prédestiné les actes. Tu vois? Dans le sens qu'ils n'ont pas aqidat al-jabr. Aqidat al-jabr, c'est que la créature, elle a, tu vois? Si la créature elle arrive en enfer, c'est qu'elle elle l'a mérité, elle va être châtiée. Mais c'est pas Allah qui lui a prédestiné cet acte. Ils sont plutôt Qadariya, non, que Jabriya. Puisque Jabriya disent que la personne elle est forcée de faire cet acte-là. Tu vois? Et eux ils disent que jamais tu tous bétiens. Et comme Al-Sunnah disent que c'est eux qui ont. C'est Allah qui leur a prédestiné. Donc c'est Allah qui leur a prédestiné. Et c'est Allah qui va les châtier. Donc il est injuste envers eux. Pourquoi il leur a prédestiné le mal et après il les châtie? Il aurait mieux fait de prédestiner le bien et après il les honore. Tu vois? C'est-à-dire qu'il nie le destin pour pas dire qu'Allah est. Ah, kak. Non. Quatrièmement, Al-Manzila bain Al-Manzilatain. La place entre les deux places. Wa hiya anna murtakib al-kabira la yuqalu innahu kafir wa la yuqalu innahu muslim bal huwa bil manzila bayna al manzilatayn. Donc ils disent que l'auteur d'un grand péché, on ne dit pas qu'il est mécréant, on ne dit pas qu'il est musulman, mais il est une place entre les deux. Wa khamisan infadhu al-wa'id, appliquer la menace, wa huwa takfir murtakib al-kabira allati duna ash-shirk. Qui est donc l'auteur d'un grand péché, c'est un kafir. Indahum, kafir. Puisque fait dunya, ils disent qu'il est ni musulman ni kafir. Mais, fait l'akhira, ils disent que yakhlut fin nar, abad al-abidin. La différence entre le khawarij, c'est que le khawarij, ils disent c'est un kafir et qu'il sera éternellement en enfer. Le mu'tazil, il a une place entre les deux, mais il sera également éternellement en enfer. Les savants ils disent quoi par rapport au fait que maintenant si tu n'entends pas l'adhan, est-ce que le choc il change ou pas? Cheikh Abdelaziz Rais Beriz, il leur a dit vous vivez ici, il n'y a pas d'adhan. C'est pour ça que vous n'entendez pas. Non, si il y a l'adhan, mais dans la mosquée. Hey, il leur a dit, c'est normal que vous entendez pas. On avait parlé de ça. Comme quoi, le machaïkh, ils ont dit qu'il y a une certaine distance. Que si jamais il n'y a pas d'obstacle qui empêche ta voix de parvenir et que le mu'adhin il se met en hauteur et qu'il fait l'adhan, à une certaine distance, la saut il lui parvient. Si cette distance-là, tu habites plus loin que cette distance-là, salat al-jama'a tusbih sunnah. Elle devient sunnah. Distance, j'ai oublié, est-ce que c'est 2 km ou plus ou moins. Allahu a'lam. Mais à partir de cette distance-là, ça devient sunnah. Fahmt? Cheikh Mbaz, un doujawab, comme ça dans Majmou' al-Fatawa. Et Cheikh Suleiman al-Ruhayli, il a parlé de ça dans Targhib wa Tarhib. Et donc pour ceux qui habitent moins que ces 2 km, ça change rien. Même s'ils n'entendent pas l'adhan. Oui, ça change rien, bien sûr. Parce que dans le hadith, il y a bien celui-là. Parce qu'à la base, quand nous y dirons des nida, dans le Medina, tu vois. Parce qu'une personne elle peut dire, mais j'entends pas moi. Le sahl, avec la personne qui a, par exemple, avec Hadith al-A'ma, ou bien avec ça, c'est Dawla Islamia. Dawla Islamia, tu entends l'adhan. Même les ulama, ils ont dit, si tu entends l'adhan avec le micro, et c'est pas la, comment dire, ce qui est considéré, c'est que maintenant il y a des haut-parleurs et tout ça. Si jamais sans ces haut-parleurs-là, et tu habites plus loin, et tu es plus loin que la distance, c'est-à-dire que tu entends avec le haut-parleur, mais tu n'entends pas avec le... À la base, c'est saut le mujarrad, tu vois. C'est la voix sans... Ça reste une sunna recommandée, etc. Mais le caractère obligatoire, dire que la personne est pécheur, etc., ça s'annule. Allahu alayhi. Bachir, tu as parlé du le fait de prier en groupe que c'était obligatoire. Non. À la mosquée. Mais par exemple, nous, le fait qu'on est ici, on est pendant le cours, et là, par exemple, il y a eu l'Aïcha. Qu'est-ce qu'on fait par rapport à ça? Est-ce qu'on doit se lever, partir pendant le cours et... Non, on avait demandé là-dessus, comme on était on est pris par le temps pour faire le cours, etc. Ouais. Et après, on prie en groupe. Le cheikh nous a dit, c'est bon, tu vois. S'il y a une excuse, ou surtout si c'est pour l'ilm et des choses comme ça, ils nous ont dit, c'est bon, il n'y a pas de problème. Mais à la base, la prière, elle doit primer sur toute chose, sauf là où c'est venu un dalil. Par exemple, quand tu es en train de manger... Certains, yani, c'est là que tu vois la clémence de l'islam. Il y a des gens qui vont dire, ouais, même tu es en train de manger, c'est l'heure de la prière, tu y vas. Et le dalil, il est contraire à ça. Tu es en train de manger, tu as faim, etc. Ta tête, yani, elle est attachée à ce repas, etc. Tu manges, et après tu... Cheikh Al-Uthaymeen, dans Zad al-Mustaqna', il dit, Abdullah ibn Omar, il mangeait, il entendait la récitation de l'imam. Il entendait la récitation, il était en train d'avaler. Qui ça? Abdullah ibn Omar, le Khattab. Mais après, c'est juste histoire de. Tu penses plus à manger. Il y en a qui disent, beaucoup de savants ils disent que si vraiment t'as faim, si t'as une petite faim, tu restes pas. Il faut pas que ce soit quelque chose qui est. Qui m'a dit, il mange à 6h30. Il faut que tu t'organises pour faire ta prière à la mosquée. Mais si ça arrive que ta'am il est posé, que toi t'as faim, et que c'est l'heure de salat, et même t'entends l'adhan, voilà, tu restes. Tu restes à manger, voilà, t'es pas blâmant. Oui, attention au khushu'. Quelqu'un qui a vraiment faim, il va être. Vu que dans la prière, il n'y a pas de khushu', elle est invalide. Donc c'est ça, non? Elle perd son azur. Non. Plus que son azur, non? Vu qu'elle est invalide. Dans le hadith. Si dans la prière, tu n'as pas de khushu'. Du tout. Du tout. الله أعلم. نعرف أنا لا تعيدها لكن. لو كنا نبدأ بالقسم. لا تحسن الفاية تديه جبابي تخشوع. plutôt dans le حكم. حكم de الصلاة الأجر كلا دغير. الخشوع. c'est quoi c'est un. الواجبات ولا من الأركان. يعني هذا شك جيتي سو حديث. Le verset Qad aflaha al-mu'minun et le hadith, il y a des gens qui ont la récompense de leur prière qu'ils auront raisonné de. Voilà. Il y en a qui ont, tu vois, un dixième, un neuvième. Et c'est selon ce que tu as été. Et l'éveil que tu as eu dans la prière. Tu vois? C'est pour ça que quelqu'un qui est na'im, quelqu'un qui s'endort, quelqu'un qui est kala, il est ahsan nana, il salli fi hadhihi al-hal. C'est pas une loi qu'il prie dans un état comme ça. Mais le wajib, il a mis l'arcane, je ne me souviens plus. طمأنينة ما مذكور في الأركان أما في لا في الواجبات ولا في الأركان سيسيتي يعني الخشوع لوي-ميم طمأنينة سي لا بريزونس دون لا صلاة c'est que tu aies un minimum de temps pour chaque pilier. C'est-à-dire que le contraire de la présence, c'est quelqu'un qui est pris comme dick, comme le coq, tu vois. Il se rabbe tout ça, il a aqil min salat ihi shay. Allahu alam. On s'arrête là, inshallah, on continue la semaine prochaine. Hada wallahu alam. Sallallahu alayhi wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.